Ananassé reçoit aussi sa part des terres larges, des vallées fortes. Mais le cœur trouve encore trop étroit ce que ta promesse pourtant apporte. Ils disent donne-nous encore plus, car le peuple s'est multiplié. Et tu montres que l'abondance n'interdit jamais de te réclamer. Demandez plus à Dieu, n'aie jamais un manque de foi. Apprends-nous. Affronter encore les géants debout. Car la victoire n'est pas donnée à ceux qui regardent en bas, mais à ceux qui vont jusqu'au bout. Tu montres que la croissance ne se nourrit jamais du confort. Elle s'éprouve dans la conquête et dans la foi qui devient tes forces. Ah, apprends-nous à oser demander, ouais. Même quand tout semble déjà plein, à croire que tu as encore des. Apprends-nous à oser.